Chapitre 27e. Vers 6 heures, nous passâmes devant une agglomération de cases adossées à une colline dont les bois rachitiques n'avaient rien de pittoresque. Ce lieu se nomme Guajara. Le terrain, coupé de tous côtés par des éboulements qu'avaient causés les pluies, n'avait presque pas de végétation. Pendant que je regardais à ma gauche, je ne m'étais pas aperçu que nous avions à notre droite et très près de nous l'île de Piranga. Là, comme de l'autre côté, des terres basses d'abord, puis de petites falaises. Le soleil couchant éclairait d'une façon très vive les terrains rouges et les faisait briller du plus beau vermillon, tandis que de l'autre côté du canal, l'ombre avait déjà tout couvert. Le ciel était pur et sans nuages, pas un souffle de vent ne ridait l'Amazone. Le lendemain, de très bonne heure, nous étions mouillés devant Obidos, sur la rive droite. Nous fîmes là notre provision de bois, et de nouveau, notre pont fut encombré. Il fallait, pour aller de l'arrière à l'avant, grimper sur des bûches mal posées à la hâte. C'était non seulement incommode, mais dangereux. Je préférais passer sur les plats-bords. De la place où nous étions, je ne pouvais voir que le drapeau qui flottait sur la forteresse. On me dit qu'elle avait été commencée à une époque peu éloignée, pour arrêter des flibustiers américains qui avaient tenté de pénétrer au Brésil en faisant une descente de ce côté. Au-dessus d'Obidos, le pays changeait sensiblement d'aspect. Les huttes étaient en meilleur état que celles du bas Amazone. Sur la rive droite, près de laquelle nous passions, on apercevait des champs de cocotiers. Ils ne s'élevaient pas très haut et portaient de longues et grandes feuilles. Le pays est très cultivé. On faisait des expériences depuis Obidos, dont nous étions déjà loin. La sonde près des bords ne trouvait pas de fond. Les passagers, et moi également, nous regardions avec tout l'intérêt que prennent des gens désœuvrés à la chose la plus ordinaire. On se montrait un martin pêcheur perché sur une branche, une barque dans le lointain. Et surtout, si l'on apercevait une pièce de bois sur l'eau, c'était toujours un caïman. Car, depuis les véritables, nous ne voyons et nous ne rêvions plus que caïmans. Et il faut bien dire qu'il est facile de s'y méprendre. Ces affreux animaux, effectivement, ne paraissent pas bouger. Ils nagent très doucement, ne montrent le plus souvent que la partie la plus élevée de l'épine dorsale, le sommet de la tête et le dessus des yeux. Les plantations avaient de nouveau disparu. Nous étions en pleine forêt vierge, et pas un seul endroit pour poser le pied. Toujours des arbres brisés, des terrains emportés. Nous passons devant plusieurs îles. Il faut que je dise de suite, afin de réparer une erreur que j'ai dû faire naître et qui a pu déjà donner une étrange idée de l'Amazone, car à tout instant, je fais passer le navire d'une rive à l'autre, ce qui prouverait ou que le grand fleuve ne mérite pas ce titre, ou que nous faisions une bien singulière navigation qui devait nous prendre beaucoup de temps avec des louvoiements aussi étendus. Je dois donc dire que j'ai voulu parler seulement des rivages des îles près desquelles nous passions, et non de ceux de la grande terre, dont à coup sûr on ne verrait pas les bords à travers le fleuve, quand même des myriades d'îles ne seraient plus là pour arrêter le regard. C'est ainsi que de rivage, d'île en île, on navigue sur l'Amazone, sans jamais voir la terre ferme des deux côtés en même temps. À 9 heures du matin, nous nous trouvâmes en face de Villa Bella, bâtie sur une petite colline sablonneuse. Les maisons, fort basses, à rez-de-chaussée seulement, sont peintes à la chaux. Tandis que je dessinais Villa Bella, je me sentis frappé doucement sur l'épaule. Un Indien me montrait quelque chose d'informe qu'on jetait sur le pont. C'était une demi-douzaine de très grosses tortues couchées sur le dos. Elles avaient des trous aux pattes de derrière dans lesquelles étaient passées des lianes qui les attachaient ensemble. Les pauvres bêtes devaient souffrir beaucoup. En sortant de Villa Bella, on avait mis le cap au nord-ouest pour traverser le fleuve en diagonale. À 5 heures, nous touchions presque à la rive gauche, dont on voyait des parties bien cultivées, des bananiers à larges feuilles, avec leur régime pendant et terminé par un tubercule du plus beau violet, des cocotiers, dans la noix desquels on trouve une liqueur blanche et douce comme le lait, et aussi des champs de maïs, des orangers, des cacaotiers. De toutes parts, des guirlandes de fleurs sauvages, de belles masses de verdure entremêlées avec les arbres à fruits. La nature vierge, s'unissant aux plantes cultivées, formait le plus magnifique spectacle. Puis, le panorama changeait d'aspect. Ce commencement de civilisation s'arrêtait pour faire place aux forêts. Depuis longtemps, je n'avais rien vu de si pittoresque. Là se retrouvaient ces formes fantastiques, ces lianes gigantesques, pareilles aux chaînes des plus grands navires, avec leurs anneaux si bien soudés entre eux qu'aucune force humaine ne pourrait les désunir. Le temps était magnifique. L'eau du fleuve reflétait le ciel. Un oiseau-mouche voltigeait et suçait le calice des fleurs. Plus bas, un crocodile pêchait. Je m'étais couché dans mon hamac pour jouir tout à mon aise, sans fatigue, des merveilles qui se déroulaient devant moi. Déjà plusieurs fois mes yeux s'étaient involontairement fermés quand je regardais avec trop d'attention. Ce fut ce qui m'arriva encore, vaincu par la chaleur. Car si je n'en parle plus, elle ne s'arrendait pas pour cela. Un mouvement inusité m'éveilla. C'était l'ancre qui tombait devant la petite ville de Serpa, bâtie comme Villa Bella sur une colline de sable. Pendant la journée, nous avions passé devant un des courants les plus dangereux de l'Amazone, le Cararoca, un peu au-dessous d'un paramirime au bout duquel sont un lac et Serpa. Il avait fallu arrêter la machine pour couper des roseaux. Nos bœufs mugissaient quand nous passions sur ces champs de verdure poussés dans le fleuve. Après avoir quitté Serpa, en côtoyant toujours la rive gauche, nous sommes entrés dans les eaux du Rio Negro, dont l'Amazone diffère encore bien plus que du grand fleuve Tapajós. Nous vîmes pendant longtemps deux lignes parallèles, l'une blanche, l'autre noire. Les deux fleuves semblaient vouloir être séparés éternellement. Dans la nuit précédente, nous avions dépassé une des bouches du Rio Madeira. Enfin, nous entrons dans le Rio Negro lui-même et nous jetons l'ancre devant Manaus. Mon voyage en bateau à vapeur était fini. Pendant tout le temps qu'avait duré cette navigation, j'avais à peine aperçu Polycarpe. Jamais il n'était venu s'informer si j'avais besoin de lui. On l'avait retrouvé nonchalamment étendu dans le faux pont, cuvant tout à son aise une bonne portion de cachaça qu'il s'était généreusement payé à mes frais.